Souvent, il manquait le dernier départ. Alors, Madame d'Ambreuse le grondait de son inexactitude. Il lui faisait une histoire. Il fallait aller vanter aussi pour Rosanette. Elle ne comprenait pas à quoi il employait toutes ses soirées. Et, quand on envoyait chez lui, il n'y était jamais. Un jour, comme il s'y trouvait, elles apparurent presque à la fois. Il fit sortir la maréchale et cacha Madame d'Ambreuse en disant que sa mère allait arriver. Bientôt, ses mensonges le divertirent. Il répétait à l'une le serment qu'il venait de faire à l'autre, leur envoyait deux bouquets semblables, leur écrivait en même temps, puis établissait entre elles des comparaisons. Il y en avait une troisième, toujours présente à sa pensée. L'impossibilité de la voir le justifiait de ses perfidies qui avivaient le plaisir, animait tant de l'alternance. Et, plus il avait trompé n'importe laquelle des deux, plus elle l'aimait, comme si leurs amours se fussent échauffés réciproquement et que, dans une sorte d'émulation, chacune eût voulu lui faire oublier l'autre. « Admire ma confiance, » lui dit un jour Madame d'Ambreuse, en dépliant un papier où on la prévenait que M. Moreau vivait conjugalement avec une certaine Rose Bron. « Est-ce la demoiselle des courses par hasard ?»« Quelle absurdité !» reprit-il. « Laisse-moi voir. » La lettre, écrite en caractère romain, n'était pas signée. Madame d'Ambreuse, au début, avait toléré cette maîtresse qui couvrait leur adultère. Mais, sa passion devenant plus forte, elle avait exigé une rupture, chose faite depuis longtemps, selon Frédéric. Et quand il eut fini ses protestations, elle répliqua, tout en clignant ses paupières, où brillait un regard pareil à la pointe d'un stylet sous de la mousseline. « Eh bien, et l'autre ? Quel autre ? La femme du faïencier ?» Il leva les épaules dédaigneusement. Elle n'insista pas. Mais, un mois plus tard, comme il parlait d'honneur et de loyauté, et qu'il vantait la sienne, d'une manière incidente, par précaution, elle lui dit « C'est vrai, tu es honnête, tu n'y retournes plus. » Frédéric, qui pensait à la maréchale, balbutia « Où donc ? Chez Madame Arnoux. » Il la supplia de lui avouer d'où elle tenait ce renseignement. C'était, par sa couturière en second, Madame Regimbard. Ainsi, elle connaissait sa vie, et lui ne savait rien de la sienne.